Merci, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, l'Église fête aujourd'hui la fête de l'Ascension. Et pour en parler, nous recevons le Père Siméon, igoumène du monastère Saint-Silouane. Père Siméon, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je pense qu'il vaut mieux partir par situer la fête de l'Ascension dans le calendrier et puis pour donner son sens. Tout à fait. Donc la fête de l'Ascension, historiquement et d'une manière spirituelle surtout, se situe après la fête de la Résurrection, après un long moment où nous avons fêté la fête des fêtes, la fête essentielle, la fête de notre salut. Et nous sommes restés au travers de l'acte liturgique pendant des jours et des jours sur ce magnifique mystère. Et nous l'avons médité, chanté, lu et célébré. Et puis arrive la fête de l'Ascension. La fête de l'Ascension, elle peut se présenter, disons d'une manière psychologique, dans un premier temps, elle peut se présenter comme quelque chose d'un petit peu difficile, puisque c'est le départ du Christ. Il part de la terre. Et tous les hommes de la terre, je pense, ne sont jamais totalement heureux quand on les quitte. Donc, lorsque le Christ quitte ses apôtres et nous quitte aussi, nous pourrions légitimement être tristes. Mais il faut tout de suite dire, ne le soyons pas, parce que nous avons toutes les raisons de ne pas l'être. Le Seigneur, lorsqu'il quitte la terre pour rejoindre le lieu de sa gloire, à la droite du Père, eh bien, il va d'abord, dans un premier temps, rendre compte, ce qui est légitime, rendre compte de toute son action sur cette terre au travers de son incarnation, rendre compte de ce qui s'est passé et du salut qu'il a provoqué au travers de sa mort et de sa résurrection, de son abnégation totale, figure de son amour total. Il va rendre compte au Père et recevoir la gloire qu'il n'a pas quitté d'une certaine manière, mais il va la retrouver en plénitude. Et ceci est un premier point sur lequel nous devons être heureux, être dans la joie, que le Seigneur trouve en plénitude, retrouve sa gloire, n'est-ce pas? Il s'est abaissé, ne l'oublions pas, il s'est abaissé, et Saint Paul le dit très, très clairement, jusqu'à la mort et la mort de la croix. On a du mal même à imaginer avec notre intellect qu'est-ce que cela a pu représenter pour notre Dieu de s'abaisser ainsi. Et là, il va retourner le Père et lui dire, voilà, maintenant, j'ai accompli ce pourquoi la Trinité, dans sa décision conciliaire, m'a envoyé sur la terre. Il retrouve sa gloire, source de joie pour nous. Et puis, peut-être le deuxième motif, c'est que lorsque le Christ retourne vers le Père, il n'y retourne pas seul. Et ceci, nous avons peut-être quelquefois tendance à l'oublier. Car il est venu comme Dieu, il repart comme Dieu-homme. Il s'est incarné, il a pris notre chair, comme disent les pères. Il a revêtu notre chair, comme dit Saint Paul aussi. Et revêtant notre chair, il remonte avec notre chair. Autrement dit, il remonte avec nous, vers Dieu le Père. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une fête qui est magnifique quand on y réfléchit sur le plan théologique, sur le plan tout simplement ontologique aussi, et sur le plan du mystère de l'homme. Voilà que nous sommes tirés de la terre par le Christ, d'abord au travers de sa mort et résurrection, mais nous sommes tirés vers le Père au travers de la chair qu'il a pris en s'incarnant, et nous sommes présentés au Père, et il va préparer le lieu où on nous attend. Alors, là, je crois, c'est vraiment une source de profonde joie qui doit réjouir le cœur de l'homme. On ne doit pas être triste que le Seigneur ait quitté la terre. Il serait resté jusqu'à la fin des temps. Après tout, tout est pensable, hein. On pourrait tout imaginer, mais c'est pas ce qui s'est fait. Mais il serait resté jusqu'à la fin des temps. Je ne pense pas qu'on aurait eu autant de bonheur. Parce que là, nous savons qu'il est reparti avec nous. Avec cette terre qu'il a sauvée, cette création totale qu'il a sauvée. Et il retourne au Père, il dépose, si on peut s'exprimer de cette manière-là, au pied du Père, cette superbe réalisation, le salut est accompli. Et là, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse, et c'est pour cela que dans nos offices, eh bien, nous, tous les textes sont superbes, ils éclatent de joie dans, je dirais, dans la lignée de la joie pascale. C'est cette même joie, mais qui prend une coloration particulière, je dirais, qui se concrétise au travers de cette extraordinaire mystère. Le Christ retourne auprès du Père, mais pas seul, avec l'homme et l'homme sauvé. Il y a un double mouvement. Il y a eu la descente, et puis il y a l'ascension. Alors, vous avez dit la descente concernait Dieu, mais l'ascension concerne Dieu, bien sûr, parce qu'il retrouve sa place, et l'homme avec lui. Et ça fait penser évidemment à ce que les pères, de manière unanime, depuis Athanase, disent que l'homme pourra devenir Dieu, en quelque sorte. Voilà. C'est, bon, Dieu se mal, fait homme, que l'homme devienne Dieu. Et là, cette phrase extraordinaire des pères, elle est concrétisée au travers de cette manifestation du retour du Christ vers le Père au travers de cette fête liturgique, mais qui n'est pas simplement une mémoire, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas mémoire, nous vivons l'instant. C'est tout le sens du sacrement. Ce n'est pas quelque chose de simplement historique, mais c'est beaucoup plus fort. Nous vivons et nous allons d'ascension en ascension à chaque fois que nous fêtons cette fête. Je vous propose d'écouter maintenant le trop-père de la fête, toute fête à son trop-père. Et d'habitude, le trop-père résume en quelque sorte le sens de la fête. Alors, je vous dis le texte d'abord. « Dans la gloire tu t'élèves, ô Christ notre Dieu, comblant tes disciples de joie par la promesse du Saint-Esprit, les affermissant par ta bénédiction, car tu es le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. » Voilà donc le trop-père de l'Ascension par un chœur byzantin dirigé par Georges Kakoulidis. L'ascension est un événement historique. Bien sûr. C'est pas une fête symbolique. Avant tout, nous insistons beaucoup toujours sur le côté historique des fêtes. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien, je crois que, on pourrait évidemment relire l'Évangile et puis les Actes qui relatent cette affaire extraordinaire. Peut-être pouvons-nous nous pencher un tout petit peu sur l'attitude des apôtres. Ils sont réunis avec le Christ sur la montagne, en face de Jérusalem, et à un moment, le Christ les bénit. Et il s'élève dans la nuée. Il disparaît à leurs yeux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. D'abord, ils reçoivent la bénédiction du Christ. Une bénédiction dans la tradition juive d'abord, tradition chrétienne ensuite, et c'est dans la même lignée, et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qui vient de Dieu directement. N'est-ce pas? C'est ce qui nous est dit de la part de Dieu, pour tout notre être, pour notre personne. Et voilà qu'il bénisse tous les apôtres qui sont là. Et lorsqu'ils s'élèvent, bon, ils sont un peu dans la stupeur, bien sûr, c'était pas, il n'aurait pas dit « je vais partir dans 5 minutes hein, », il n'a pas dit ça. Et donc, il le voit disparaître dans la nuée, et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Et ça, c'est extraordinaire, je trouve, ils se prosternent. Ils se prosternent à terre, parce qu'ils ont, au travers de la bénédiction qu'ils ont reçue, et au travers de l'événement qui se déroule devant leurs yeux, ils ont un sentiment certainement pas analysé, comme nous le faisons aujourd'hui maintenant, bien sûr, après coup, mais ils ont intuitivement le sens de ce grand mystère qui se déroule devant leurs yeux, le Christ les a quittés, leur promettant l'Esprit, et ils le reconnaissent, parce que c'est ça la prosternation, ils le reconnaissent comme le Fils de Dieu, et ils se prosternent. Et alors là, Nous devons, nous, en tirer quelques conclusions. On viendra sur la troisième attitude des apôtres après. Mais quelques conclusions, c'est-à-dire que nous aussi, Nous devons nous prosterner devant le Seigneur. Nous le faisons dans nos églises, nous faisons ce qu'on appelle des métanies, de ce mot grec, la métanoïa, qui est un retournement intérieur. Donc physiquement, nous nous prosternons au sol, nous touchons le sol avec nos mains pour montrer de l'humilité devant le Seigneur. Mais peut-être qu'il est important de rappeler le sens profond. C'est pas une affaire de gymnastique spirituelle, c'est beaucoup plus grand. C'est une affaire de cœur. C'est le cœur et l'âme, c'est-à-dire la personne en fait, qui se dépose volontairement, mais dans un acte d'amour, volontairement devant le Christ, reconnu comme le Fils de Dieu et le Sauveur. Voilà ce qu'ont fait les apôtres, et voilà ce que nous, dans nos vies liturgiques, nous devons revivre à chaque fois que nous nous prosternons devant une icône, devant l'icône du Christ, de la Mère de Dieu, des saints. Et lorsque nous prosternons au travers des actes liturgiques, eh bien, ce n'est pas simplement un acte d'humilité. Oui, c'est un acte d'humilité, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la reconnaissance qui passe au travers de tout notre être, et donc de notre corps, que Dieu est Dieu, et que nous sommes sa créature, et que nous voulons absolument bénéficier de son amour, et l'aimer, nous aussi. C'est ça l'attitude des apôtres, qui ont vécu avec le Christ tout au long de cette extraordinaire histoire, et qui, le voyant partir, au lieu de gémir, de pleurnicher, de s'embrasser de douleur, etc., non, ils se prosternent. Et qu'est-ce qui nous est dit après? Ils retournèrent dans la joie à Jérusalem. Alors, fini, n'est-ce pas, l'inquiétude du départ du Christ que nous pourrions avoir. Fini le sentiment d'être abandonné. Tout ça, ça n'a pas de sens. Les apôtres nous le montrent concrètement. Ils repartent à Jérusalem, tout heureux. Tout heureux de quoi? D'avoir encore une fois reçu la bénédiction du Christ, de l'avoir vu s'élever dans la gloire, comme le dit notre Père, donc retour dans la gloire du Père, et qui plus est, avec la promesse du Saint-Esprit. Et là, ils retournent à Jérusalem, selon les consignes du Christ, et ils vont se réunir, mais nous en parlerons le jour de la fête de la Pentecôte, bien sûr, on ne va pas anticiper, mais ils retournent avec une profonde joie qui n'est pas uniquement une joie humaine, c'est une joie spirituelle qui englobe tout l'être de chacun des apôtres. Et là, vraiment, c'est magnifique d'enseignement, parce que si nous pouvions entrer dans la même attitude, et nous pouvons le faire, bien évidemment, alors nous sommes dans la bonne direction. C'est exactement comme cela que nous devons nous comporter, nous réjouir, rendre grâce, nous prosterner, adorer devant le mystère total du salut de l'homme. Là, nous sommes vraiment en plein dans le mystère chrétien, dans sa plénitude qui va s'achever. Si on peut parler d'achèvement, le mot est impropre dans la descente de l'esprit, mais c'est jamais un achèvement. Avec Dieu, il n'y a pas d'achèvement, puisque Dieu est infini. Donc quand nous utilisons ces mots humains, nous nous trompons toujours, bien évidemment. Il n'y a pas d'achèvement, il n'y a pas de conclusion, n'est-ce pas? Il y a un dynamisme profond, un dynamisme qui vient de l'amour de Dieu, qui prend l'amour de l'homme dans cet amour, et qui le transfigure et lui donne tout son sens, et qui en définitive nous met debout dans la lumière de Dieu. Nous sommes debout dans la lumière de Dieu au travers de tout ça. Et nous nous prosternons volontairement. Mais parce que Dieu nous a mis debout dans sa lumière, nous nous prosternons devant cette lumière divine, qui n'est autre que la manifestation de l'amour de Dieu. Et puis, pour revenir à l'histoire, il faut dire aussi que, avant de quitter, il a fait une promesse. Tout à fait. Alors. Qui n'est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable. Et qui est double. Elle va envoyer quelqu'un, et oui, il dit, je reste avec vous. Tout à fait. Jusqu'à la fin des temps, je suis avec vous. Et ce qui veut dire que nous ne devons pas, que les apôtres ne devaient pas se limiter à la présence corporelle du Christ, mais que ça va bien au-delà. Alors ça, c'est un signe d'espérance pour nous, parce que nous mourrons tous sur cette terre. Ça fait partie de la vie, la mort. Et on peut quelquefois être, et c'est légitime, dans la tristesse, enfin quand on perd un être cher, etc., mais on ne le perd jamais, cet être cher. Au contraire. Lorsqu'il passe dans un état qui n'est pas le même que celui que nous connaissons sur cette terre, il passe dans la vie avec un grand V. Et alors, nous sommes en communion plénière. Et je dirais, sans les limites, sans les ténèbres de la terre, sans les ombres, on va dire, pas les ténèbres, c'est trop fort, mais les ombres de la terre, elles n'existent plus dans cette communion-là. évidemment avec le Christ, parfaitement, et avec ceux qui nous quittent. Donc, c'est un programme d'espérance qui est proposé là, par le Christ. Espérance, je ne vous abandonne pas, je suis avec vous, je le suis. Voilà. Mais il a dit, dès le début, il dit, je suis celui qui est, n'est-ce pas? Et quand il dit, je suis avec vous, il dit pas, j'existe avec vous, il dit, je suis. C'est-à-dire, c'est son être profond qui est avec nous. Et, en deuxième promesse, la promesse de l'Esprit-Saint, bon, qui se manifestera quelque temps après, et qui va donner tout le sens de la vie de l'Église, mais ceci, nous en reparlerons ultérieurement. Donc, l'Ascension est une fête qui concerne le présent, mais qui concerne également l'avenir. Tout à fait. C'est une fête d'espérance. Bien sûr, toutes les fêtes chrétiennes sont des fêtes d'espérance, mais la nativité du Christ est une fête d'espérance. Sa résurrection est une fête d'espérance. C'est l'Annonciation. Et l'Annonciation est une fête d'espérance, etc. On peut reprendre toutes les fêtes. Mais là, malgré, je dirais, les circonstances qui humainement pourraient nous attrister, ou auraient pu attrister les apôtres, eh bien, au contraire, il y a un basculement, un retournement. C'est la fête de l'espérance par excellence. Par excellence. Parce qu'il y a cette promesse. Je suis avec vous. Et je vous envoie l'Esprit. Et ce qui signifie que la Trinité se sera révélée à ce moment-là, totalement. Père, Fils et Esprit. Donc, pour l'homme, pour vous, pour moi, pour tout fidèle, quel est le sens profond de cette fête? Qu'est-ce que je fête aujourd'hui comme chrétien? Moi, je fête, écoutez, je vais être très pragmatique, je fête l'idée, ben c'est plus qu'une idée, la réalité que le Christ est en train de me préparer un siège. Alors, je ne sais pas à quel rang, ça c'est tout à fait secondaire, je ne sais pas si c'est un strapontin, un tabouret ou un fauteuil doré, ça n'a aucune importance, il me prépare un siège, c'est-à-dire un lieu où je vais pouvoir être avec les personnes trinitaires dans une communion d'amour que je peux pressentir au travers de toutes les paroles du Christ, surtout au travers de sa vie, mais que je ne peux pas expliquer en plénitude, car cela dépasse l'entendement, cela dépasse notre intellect, et heureusement. Donc, est-ce que je considère qu'avec la fête de l'Ascension, ce processus du salut, si vous voulez, est accompli, est terminé maintenant? Ben, le processus est accompli, puisque le Christ va en rendre compte justement à cette occasion, et je dirais que c'est très important pour nous, pour revenir à la notion d'espérance, parce que forcément, nous sommes toujours à nous intéresser à notre quotidien, n'est-ce pas? Le quotidien de l'homme, c'est très important. C'est là que nous vivons, bien sûr. C'est dans cette donnée que nous vivons, que nous exprimons, que nous avançons comme nous pouvons. Mais ce que l'on oublie, c'est que ce passage dans lequel nous sommes sur cette terre, qui est relativement court, quand même, même si maintenant on arrive à prolonger la durée de la vie, etc. Très bien, tant mieux, si c'est dans de bonnes conditions favorables. Mais bon, même si on vit 100, 110 ans, 120 ans, 150 ans, peut-être dans quelques temps, pourquoi pas. Mais de toute façon, c'est pas grand-chose par rapport à l'éternité. Or, notre vocation n'est pas d'être sur cette terre uniquement. Elle est d'être dans l'éternité. Notre vocation, c'est d'être profondément, voilà, être, et non pas d'exister. Sur cette terre, nous existons, avec les limites de l'existence. Notamment, nous naissons, nous souffrons, nous mourons, voilà. Ça, nous passons par ce schéma-là. Et ça, c'est une limite de l'existence. Mais nous sommes appelés à être, à dépasser cette limite. Et le Christ, en nous représentant, si on peut dire, dans sa chair, auprès du Père, eh bien, nous assure, c'est le grand assureur, il nous assure de l'éternité à ce moment-là. Et dans la plénitude de notre personne, de notre être. Et ça, c'est fabuleux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette terre, nous sommes des apprentis, nous apprenons à aimer. Voilà, sous une forme ou sous une autre. Nous apprenons, acceptons d'apprendre. Mais sachons que nous sommes que des apprentis. Mais lorsque nous quitterons cette terre, à ce moment-là, nous allons accéder non plus à une continuité de l'apprentissage, c'est fini l'apprentissage, à la vie plénière, totale. On aura appris à vivre sur la terre, mais après, nous vivrons. Et c'est le sens de la fête de l'Ascension, à mon avis, entre autres. Donc, grand carême, passion, résurrection, temps pascal long. Oui. Hier, nous avons fêté la clôture de Pâques pendant 40 jours. Oui. ça a été prolongé comme ça, comme un seul chemin. Oui, une longue méditation de ce mystère essentiel. Et maintenant, le moment du départ est un moment d'attente alors. Et un moment d'attente, mais nécessaire, parce que nous devons apprendre aussi à attendre. Nous disions que nous étions des apprentis, il faut apprendre à attendre. Et les apôtres, ça a été très court, hein, faut pas quand même considérer que ça a été un apprentissage, enfin une attente très longue, mais ils ont dû attendre. Et c'était nécessaire, parce que nous devons être des êtres de désir. Et le désir et l'attente, c'est très lié. Et si nous désirons Dieu, si nous désirons aimer et être aimé, eh bien, il faut apprendre. Il faut apprendre à attendre. Ceci peut enseigner également le fidèle d'aujourd'hui. Bien sûr. Cette attitude, bien ce sûr. Désir, comme vous bien dites. Sûr, bien sûr. Toujours être dans le désir de Dieu, dans le désir de l'amour, et de la réception de l'amour, et le désir de répondre à cet amour. C'est le sens de l'homme, quel qu'il soit, je dirais. Nous parlons là en tant que chrétien, mais tout homme sur cette terre, si vous lui parlez d'amour, il saura de quoi on parle. C'est le fondamental de la vie. Et nous devons désirer profondément Dieu. Nous devons, vous savez, saint Augustin, qui n'a pas toujours été aimé par les orthodoxes, parce qu'il a pas toujours dit des choses qui étaient théologiquement recevables, mais il a quand même dit de très belles choses. Et il dit cette phrase que j'aime beaucoup, qui est un petit peu un leitmotiv chez moi: aime et fais ce que tu veux. N'est-ce pas? Ça veut dire aime, désire Dieu et aime tes frères, et tu fais ce que tu veux après. Parce que ta volonté est orientée par l'amour. Or, c'est pour ça que nous devons être des êtres de désir, des êtres qui attendons, qui avons soif de cet amour. Regardez le psaume: Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi, après toi, languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau, je veux te contempler au sanctuaire, voir ta puissance et ta gloire. Nous sommes en plein dans le mystère de l'ascension. Mais écoutez, dans ce sens, bien sûr, comme vous le dites, l'ascension est une fête d'espérance et de joie. Tout à fait. Et donc le départ du Christ devient joie plénière. Une joie plénière. Nous allons voir dans 10 jours avec vous de quelle manière la deuxième promesse sera accomplie, celle de l'envoi du Paraclet, comme il a annoncé, ce qui va permettre aux chrétiens d'aujourd'hui d'être toujours en présence du Christ, parce que à travers le Saint-Esprit, il va le rester. Donc nous allons nous retrouver avec vous, Père, pour analyser la fête de la Pentecôte le dimanche 27. Bien volontiers. C'était Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Annick Brien. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.